et ça recommence. Je parle d'amour que dans un silence. Mes yeux savourent son galbeuse des hanches. Entre méfiance et ce qu'elle en pense, je prends ses courbes et j'augmente mes chances. Je me demande ce qu'on fera comme folie. Des comme des tordis collés. Je l'entends toute sa mélodie. On y passera toute la nuit. Et comme toujours, ça recommence. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. C'est exceptionnel. Elle a peur d'avion mais veut toujours voir le septième ciel. Dire ce que je ressens, non ça vaut pas la peine. Elle me fait de scène 8 jours par semaine. En filature j'ai pris ses sentiments. En miniature j'ai pris des photos d'elle. Je suis le meilleur, elle ne fait que son possible. Je dis à tout à l'heure, elle me dit je serai pas là. Dans son cœur y'a de quoi faire des ricochets. Il n'y a plus d'amour, y'a que des états d'âme, d'âme. Je veux que tu meurs de moi, moi. Serre-moi contre toi, toi. Je veux que tu meurs de moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Es que María, tú me bailas de locura. La temperatura como la noche está dura. Y toda una aventura, más rica que pura. Mírame María, con tu cuerpo tú me curas.